Malheureux qu'on en fait nos malheureux qu'est nos quatre. Malheureux qu'on en fait nos malheureux qu'est nos quatre. Que nos quatre n'en vaut une, que nos une n'en vaut pas. Tradera, tradera, tradera, tradera, tradera, tradera, tradera. Okay, look at.